Hein, on aura essayé, on va pas dire qu'on n'aura pas décidé. Fred, j'ai appris que tu prenais des cours par M.